Mais un jour, ils vont vous l'enlever, ça. Parce que vous n'avez pas besoin de ça pour être ensemble. Là, vous l'avez parce que vos corps sont ajustés à cette vibration-là. Mais dans 5 ans, si vous êtes ensemble, vous n'aurez plus de vibration-là parce que vous n'aurez plus besoin. Mais si tu l'enlèves dessus, cette vibration-là, au niveau astral, ça sera bien trop difficile. Fait qu'ils vous supportent, ils font vibrer vos corps, puis ils font vibrer vos corps. On est comme des marionnettes. Puis aussitôt qu'il y a un corps qui s'affaiblit, whoop, ils font vibrer. Non, on est content. Whoop, ça sent. Whoop. Puis éventuellement, là, ils laissent tout tomber, là. Quand ils laissent tout tomber, là. Puis autrement dit, quand tu vis plus de ton astralité, de ton mental inférieur, que t'es dans le vide, là, à ce moment-là, t'es bête. Ils n'ont plus besoin. Puis s'ils veulent te faire vibrer à ce moment-là, c'est pour une raison particulière. Puis t'es tellement habitué au vide que tu vis même plus dans le vide. Puis c'est ça, faut qu'on s'habitue. Je comprends que c'est le fun d'aimer un homme, puis c'est le fun aimer une femme, c'est normal. Ça fait partie de la condition humaine. Mais à un certain moment, t'es plus capable! Parce que t'as plus besoin de ça. Fait que si tu veux aimer un homme à ce moment-là, t'es obligé de créer des conditions vibratoirement pour te faire un environnement vibratoire pour l'aimer. Fait que tu l'aimes pendant un certain temps, mais après ça, tu l'aimes plus. Puis après ça, tu l'aimes encore, puis après ça, tu l'aimes plus. Sans ça, tu pèteras. Tant que t'es sur le 110, tu peux aimer, puis tu commences à aimer sur le 320, Charlie, chaud, les fils vont te brûler. Tu vas passer ton temps dans la lit. Fais ça de parler. Comment tu veux dire? Non, c'est pas ça que je te dis. J'explique. Comment tu veux dire? Okay. Ouais, mais toi, il fait l'envers de ça. T'as la tristesse de l'amour. Tu connais ça? La tristesse de l'amour? Tu méditeras ça. Tu m'en parleras. La tristesse de l'amour. Hein? Bah. Si tu n'as pas besoin d'en parler. C'est complexe, la psychologie de l'homme. Mais il y a une chose que vous comprenez pas. C'est que tous les états que vous vivez dans la conscientisation font partie de la descente de l'énergie dans vos corps. Et que vous, vous devez apprendre à vous décrocher émotivement et mentalement de ces bas-fonds. Fait que quand vous êtes dans le bas, restez là. Essayez pas de vous monter. Restez là. Puis ensuite, ça, eux autres vont vous remonter. Moi, quand ils me descendent dans le bas-fond, je dis, oh, c'est assez, là, ça fait 2 heures, là. Il dit, attends une autre heure. Mais j'attends une autre heure, puis là, il me remonte. Mais s'il faut que je commence à boire du gin, puis à me taper des pilules, chose, pour me remonter, ça, ils vont me redescendre pareil. Faut qu'on apprenne à pouvoir vivre, flat, du Pepsi. Pas toujours dans le. Mais on veut toujours être dans le gazeux du Pepsi, tu peux pas! Être toujours dans le gazeux du Pepsi. Tu peux l'être quand t'es inconscient. Mais éventuellement, t'as une crise cardiaque ou t'as le cancer. Les Hollywood, là, ceux qui ont des millions, puis des belles femmes, puis des beaux chars, puis des belles avions, puis qui ont tout, tu sais, les gens qui ont tout, ils meurent du cancer. Tu peux pas vivre plus que tu peux vivre. Il y a une limite au corps physique. Ça, c'est l'astral qui te fait vivre, puis qui te fait vivre, puis qui te fait vivre, puis qui te fait vivre, puis qui n'arrête pas une crise de minute parce qu'il s'ennuie, là. Mais quand t'es conscient, tu t'ennuies pas. Fait que si tu fais rien pour une semaine, tu te reposes. Puis si tu fais quelque chose pour une autre semaine, c'est parce que t'es en mouvement. Puis après ça, tu fais rien pour une autre semaine, puis tu te reposes. Nous autres, non. Nous autres, on veut faire quelque chose tout le temps. Tant qu'on est inconscient, ça marche. Parce qu'on sait pas comment ça marche. Puis on se crée des systèmes pour noyer notre solitude. Mais quand on est conscient, puis qu'on doit apprendre la grande solitude, puis vivre dans la grande solitude, puis être bien dans la grande solitude, parce que dans la grande solitude, on découvre le repos de l'esprit, le repos de tous nos autres corps. À ce moment-là, la vie est totalement différente. Pis c'est ça qu'on apprend. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut dire que tu dis de vivre trop? Vivre trop, c'est pas bon! Ouais, mais faut-tu mettre dans le sens, travailler trop, c'est vivre trop. Des gens qui travaillent, c'est pour combler un vide, c'est combler une solitude. Des gens qui font l'amour à tous les jours, à tous les 2 minutes, c'est pour combler. Comme dit, faut avec un trou, mais une seule tienne. Rempli, combli, to fill in, a solitude, an emptiness. Man should be able to live in this emptiness and feel free in it. And realize that he's just resting temporarily so that he can go further on and on. Tu peux travailler quand t'es vide, mais à ce moment-là, tu travailles créativement, puis ça n'a pas le même rythme. It's got a different rhythm. Ouais, d'accord. C'est beau que ça, que c'est bon que tu travailles. Mais tu t'es coup que t'empêches de travailler un jour. Tu vas penser une maudite chat. You know what I mean? On décide jamais rien, on est des pantins. Tu décides pas. T'arrives à un temps que tu descends ta volonté et ton intelligence. Tu fais le choix. Il y a une différence entre décider et faire. C'est une illusion de décider. Mais faire un choix, c'est réel. Une différence entre faire un choix et décider. Décider, c'est psychologique. Faire un choix demande de l'intelligence et de la volonté. Décider implique une capacité quelconque. C'est psychologique, décider. C'est pas conscient, décider de quelque chose. Mais faire un choix, c'est conscient. Pas pareil. Pas pareil. Tout le monde décide dans la vie. Il n'y a rien à décider. Tout est planifié à l'avance, tout est su d'avance, tout est connu d'avance. Décider de quoi? Mais faire un choix, c'est un autre paire de manches. Faire un choix, ça veut dire que ce que vous dites, faire rien, attendre. Là, choisis d'avance. C'est subtil. Quand ils disent fais rien, attends, tu fais rien et t'attends tant que tu es capable d'être dominé par eux autres. C'est-tu un des. Un. C'est bon, je t'en parle de ça. Une des choses que je ne peux pas expliquer au monde d'un séminaire, c'est celle-ci. Ce que je ne peux pas expliquer au monde, ce que vous allez comprendre demain. Aujourd'hui. Je peux pas expliquer au monde aujourd'hui ce qu'ils vont comprendre demain parce que c'est un demain que les gens vont être dans une vibration de volonté d'intelligence qui va leur faire comprendre la différence entre la décision et le choix. C'est quand tu es dans la vibration, quand tu es devenu un agent libre, que tu découvres le pouvoir de l'intelligence de volonté qui te donne accès au choix et qui te permet à ce moment-là de faire une décision. La décision vient toujours après le choix et non avant. C'est comme pouvoir faire un choix pour que tu puisses descendre l'énergie dans la volonté. Exactement. Mais ben ouais. Mais les gens ne font pas le choix dans la vie. Ils font des décisions. Ils sont one step ahead. Effectivement, parce que tu n'as pas les moyens. Il faut que tu aies le choix avant de faire une décision. Un choix, décision. Non, les gens prennent des décisions, mais ils n'ont pas le choix. Pour avoir le choix, faut que tu sois devant ton étalage de possibilités qui t'est indiqué par ton intelligence et ta volonté. Là, tu as le choix. Tu prends celle-là, tu prends une décision. La décision vient toujours après le choix. Tu comprends la différence? Oui. Les gens sont tout de suite à la décision. Ils n'ont même pas vu les choix. Ils tombent tout à l'eau. C'est important de comprendre la différence entre la décision et le choix. Puis quand tu as fait un choix, à ce moment-là, ça implique que ta volonté et l'intelligence, il n'y a rien qui peut t'empêcher de prendre ta décision. Mais si tu n'as pas fait de choix, tu n'as pas l'intelligence et la volonté, tu peux prendre une décision, mais elle va être fausse. Puis après ça, on va te retourner dessus, tu vas dire, maudit, j'ai fait une gaffe. C'est pour ça que les gens font des gaffes. Mais quand tu as fait un choix, parce que tu es dans l'intelligence et la volonté, ta décision donne extension à ton choix, dans ton expérience, et ta décision ne peut jamais être aller à l'encontre de ton bénéfice personnel, de ton bien-être personnel. De ta vie consciente. C'est ça la différence. Ça, il faut que les gens comprennent. Mais moi, j'aimerais que tu donnes un exemple concret. C'est clair pour moi. Une décision, c'est pris par l'intellect. Une décision, c'est toujours pris par l'intellect. Un choix, c'est vu par l'intelligence. L'intelligence voit le choix. Le choix. quand la volonté s'active, la décision est prise. La différence entre le choix puis la décision, c'est un peu comme la différence entre le concept et la manifestation du concept. Le concept d'une maison, c'est le choix. La décision, c'est le plan structuré, monté. La mise en application. Puis l'erreur des gens dans la vie, c'est qu'ils vivent tout au niveau de la décision et non au niveau du choix. Ça vous crée d'immenses pépins. D'immenses pépins. Exactement, parce que dans l'intelligence, dans ton intelligence, tu vas avoir attaque. Attends. Ça, c'est ton intelligence. Ça fait partie du choix. Si tu choisis après, t'attends. Quand ton intelligence. T'énerve ou tu t'attends? T'écoutes. Selon ton intelligence, dans ton intelligence, tu sais si tu dois attendre. Tu sais dans ton intelligence si tu dois attendre. À ce moment-là, t'attends. Ça fait partie du choix. Quand le temps sera venu, t'agis. Ça fait partie de la décision. Suzanne, Alison, tantôt, t'as dit, ouais, mais c'est subtil, ta parole, parce que t'attends tant, puis ils peuvent te casser les pieds. Ouais. Il y a toujours un équilibre entre les possibilités du choix et ton intelligence et ta volonté. C'est au cours des années, avec le temps, que t'en arrives à tout remplir tes choix. Moi, je me dirige vers ça présentement dans ma vie. Dans ma vie, là, je suis arrivé à un point là, où là, mes choix, je les connais tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis j'ai rempli tout un après l'autre. De temps en temps, il faut que j'attende. J'attends une décision. Mais mes choix, je les connais tous. Parce que connaître ses choix, c'est savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Puis il y a plusieurs choix dans la vie d'une personne. Plusieurs. Tu connais tes choix. Tu regardes tes choix. Tu prends tes décisions. Mais un homme qui ne connaît pas ses choix ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Il passe son temps à prendre des décisions. Vite, vite. On est habitué de choisir en faveur des autres. Oui, parce qu'on se laisse influencer. Automatiquement, nos décisions sont encore plus mauvaises. Ils disent que c'est primordial que l'homme connaisse ses choix. Autrement dit, que l'homme sache ce qu'il veut dans la vie. C'est ça, va être clair. C'est ça, va être clair. Puis à ce moment-là, comme il est dans l'intelligence, puis dans la volonté, lui, il est clair. Prend 2 ans, par exemple, 1 an, par exemple, 5 ans, 10 ans, par exemple, 15 ans. Ça va. Mais le choix est là. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que le choix ne vient jamais de nous autres. Rien que la décision qui vient de nous autres. Le choix, il vient pas de nous autres, il vient de nous autres. C'est pas partie de l'intelligence. La décision vient de nous. Quand on est conscient, ben à ce moment-là, la décision coïncide avec le choix. La partie qui sait rien fasse la main ce que la partie qui sait veut. Parce qu'à ce moment-là, la décision que tu prends devient une manifestation de ta volonté. Exactement. Ce qui veut en haut. Marche. C'est du bon sens. Ce qui veut les autres en haut, ce que tu veux en bas, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, t'es libre. C'est ça, il est libre. Mais on pense, nous autres, que parce qu'on prend des décisions qu'on est libre, on n'est pas libre. Aucunement. On n'est pas libre parce que, regarde, quand on a un choix, ici, on dit que tu fais rien là-bas. Mais là. En fait, c'est pas un choix, ça choisit. Ça choisit. Mais ça devient un choix parce que il y a. C'est ton intelligence. C'est un. Ce qui est en haut et en bas. En fait, on n'a rien à faire là-bas. On a toujours à faire. C'est-à-dire, on laisse faire, ça va être là, ça. Non. C'est subtil. C'est subtil. Moi, je vous parle. Écoutez, tu sais, quand je vous dis tout le temps, croyez pas ce que je dis. Pourquoi est-ce que je vous dis, croyez pas ce que je dis? Parce que c'est jamais ça que je veux dire. Avec le temps, vous comprenez ce que je veux dire. À ce moment-là, le problème de croire. Mais si je vous dis pas avance, croyez pas ce que je dis, là, vous allez faire des choses qui ne coïncident pas avec le réel, qui coïncident avec votre manque de compréhension de ce que vous êtes dans votre intelligence et volonté. Quand je dis on a rien, quand je dis la vie c'est pas de nos affaires, je dis pas que la vie c'est pas de nos affaires. Je dis que la vie c'est pas de nos affaires tant que c'est pas de nos affaires. Mais c'est de nos affaires quand on est dans la volonté de l'intelligence. Parce que c'est un. En haut et en bas. Avant ça, c'est pas un. C'est l'illusion de ce qui est là. Enfin, je dis que la vie c'est pas de nos affaires. Enfin, quand je vous dis que la vie c'est pas de nos affaires, je vous amène à contempler en vous une autre réalité qui est puissante, qui fait partie de vous, parce qu'il faut que vous la réalisiez, cette réalité-là. Mais une fois que vous l'avez réalisée et que vous, qu'elle s'est imprimée en vous, vibratoirement, et que vous avez réagi à elle en faisant descendre votre volonté et votre intelligence, à ce moment-là, il y a une unité entre le haut et le bas. Et à ce moment-là, la vie devient de vos affaires. Vous devenez de plus en plus maître de la vie. Ça marche? Les affaires d'en haut sont les affaires d'en bas. Les affaires d'en haut coïncident avec le meilleur des affaires d'en bas quand les affaires d'en haut comprennent les lois d'en haut. Quand les affaires d'en bas se superimposent selon la volonté de l'intelligence sur le dessin de ce qui est en haut. C'est ça la perfection de l'homme. Quand il donne un choix, là, c'est notre décision. Mais la décision peut être influencée par le temps astral. Puis c'est à nous autres à filtrer pour prendre la bonne décision. C'est à vous autres d'être de plus en plus dans votre intelligence et votre volonté réelle. À ce moment-là, votre décision coïncide avec le choix. Mais des fois, une décision peut-être paraissait. Ouais, mais vous faites enculer pendant 10 ans pendant ce temps-là. Tu comprends? À un certain moment, il faut que l'homme cesse d'être l'esclave des forces. Il faut que l'homme puisse les maîtriser, les forces. S'en servir des forces. Unir ce qui est en haut et en bas. Ça, c'est être maître de la vie. Sans ça, t'es esclave, t'es esclave, t'es esclave. C'est ça la vie de l'homme. C'est à ce moment-là que ta vie t'appartient, puis au fur et à mesure que t'avances, l'intelligence grandit, la volonté grandit, le pouvoir de l'ennemi est décédé, éventuellement, quand tu décides de changer de tête, change. Non, ta vibration. C'est tant que tu subis la vie, ta vie ne peut pas t'appartenir. Non. Ta vie ne t'appartient pas, elle appartient à l'âme. Ça, c'est un crisse de fardeau pour un homme intelligent. Ça, c'est une insulte d'un enfant de ménage. Comment? Nous, on déclare, c'est l'énergie de l'esprit. Maudit que t'es intelligent! Ce qui est Croteau? Croteau! Quoi? Il y a des choses que je veux que tu t'entendes. De temps en temps. Ils ont dit à elle que l'âme, c'est l'énergie de l'astral. Et effectivement, l'âme, c'est l'énergie de l'astral. Puis j'ai expliqué, je pense, dans l'autre rencontre, qu'il y avait l'homme, il y avait l'astral, puis il y avait la lumière. Puis qu'il y a un, il faut qu'il parte, pour qu'il y ait un que la lumière et puis l'homme. L'âme, c'est l'énergie de l'astral. C'est pour ça que la fête des plans, le plan mental, le plan ci, le plan ici, puis les plans, tous les plans, je les ai dans le cul. Il fallait détruire l'âme. Ouais. L'âme, c'est l'énergie de l'astral. Ça m'amène à dire bien les affaires, l'astral. Mm-hmm. Vous Ça, c'est une des grandes révélations de l'instruction mondiale à l'homme aujourd'hui. Que l'âme, c'est l'énergie de l'astral. C'est tellement vrai, c'est que l'âme, finalement, puis l'âme écrite, dont tu parlais, l'énergie antifixée, finalement, ils fonctionnent tous. Tu es une marionnette pour à la fois ton âme et à la fois pour les forces du ténèbre, finalement, parce que ça se situe au même niveau. Toutes les deux jouent avec ton émotion, tes pensées. Bon, je vais vous dire. Je vais vous dire une chose. Quand ferme la cassette. Il y en a qui voulaient me demander des questions, là, un peu en dehors du sujet qu'on parlait tout à l'heure. C'était quoi? Quoi? L'éducation, quoi? La question de l'éducation, c'est une question qui est trop vaste à répondre. La question de l'éducation se résout selon votre conscience à vous autres. Il faut que ça parte toujours de vous autres. Quand vous vous conscientisez automatiquement, l'éducation change. Quand votre intelligence change, votre volonté change, votre éducation change. La façon d'attaquer le problème des enfants, le problème de l'éducation des enfants change. Mais tout change selon, par rapport à vous autres. Vous posez des questions sur l'éducation tant que vous n'êtes pas conscient, ça devient pour vous autres des questions psychologiques ou des questions philosophiques, puis ça n'arrête plus. Mais quand vous entrez dans votre propre intelligence, les questions vis-à-vis de l'éducation des enfants se résolvent selon votre intelligence créative. Et vous êtes maître de la conscientisation de cette éducation-là, de l'intelligence de cette éducation-là. Et s'il y a trop de feedback, s'il y a trop d'impossibilité d'actualiser votre connaissance, votre intelligence concernant l'éducation des enfants dans un cadre qui est trop rigide, à ce moment-là, les forces de vie vont vous forcer à sortir, Padre Moïtresse. Comprenez-vous, vous dire? C'est ça. Un peu de la réaction sociale, vous avez dans ce cas-là. Je coupe ça, cette affaire-là, ces handicaps. Donc, la seule chose qu'on peut aimer, c'est l'intelligence. C'est pour ça qu'on respecte l'intelligence. C'est ça, exactement. C'est consistant dans cette folie. Très. C'était terrible. C'est pour ça que j'en ai intelligent. Parce que ça se tient. C'est toujours robot. C'est toujours dynamique. Ça n'arrête pas. C'est infini. C'est fantastique. C'est extraordinaire. C'est la vie. C'est une de ses qualités. J'ai remarqué dans mon expérience que les gens que j'aime le plus sur la Terre sont les gens qui manifestent le plus d'intelligence. Je les aime. Pas dans le sentiment, dans l'esprit. Puis s'il y a moindrement une diminution de ça, je peux aller même jusqu'à les haïr. Puis ça m'amène à parler de quelque chose. Un homme ne peut pas entrer dans l'intelligence s'il ne sait pas haïr. Tu peux pas entrer dans l'intelligence, tu peux pas haïr, parce qu'à un certain moment, tu vas être tellement dans l'intelligence que là où tu ne verras pas d'intelligence, tu vas vouloir détruire la forme de l'action de ce manque d'intelligence et la réaction automatiquement sur le plan humain, c'est de haïr. Pas haïr dans la forme du sentiment de l'homme, mais haïr dans l'énergie de la progression du mouvement de l'intelligence vers la destruction de cette forme. C'est ça, haïr. C'est l'accumulation de ça. Quand tu es dans l'intelligence et tu n'as plus de respect pour une personne, automatiquement, tu coupes tes liens avec elle. Tu ne haïs pas quand tu es conscient par le sentiment, tu haïs par intelligence. Dans l'intelligence, par le biais de l'intelligence. C'est l'intelligence qui ne veut plus s'accoupler à un manque d'intelligence parce que l'intelligence ne s'accouple qu'à l'intelligence. C'est pour ça que les hommes qui rentreront dans la conscience cosmique apprendront ce que c'est que d'haïr. mais haïr d'une façon totalement neuve, totalement nouvelle, totalement consciente. Et cet apprentissage se deviendra de plus en plus intense, de sorte qu'éventuellement, ils fermeront les portes à tous les hommes anciens. On ne peut plus dialoguer quand on rentre dans la conscience supramentale. On ne peut plus dialoguer avec le produit astral de l'homme. On ne peut dialoguer qu'avec le produit supramental de l'homme, mental supérieur de l'homme. Et c'est normal parce qu'on n'appartient plus à l'homme. Parce que aussitôt que l'homme a cessé de convoiter pour son bénéfice égocentrique les formes de l'homme ancien, il n'a plus de raison de se nourrir à une source qui est totalement tarie. Il ne peut se nourrir que d'une source qui est intarissable, et ça, c'est l'intelligence. Et c'est pour ça que l'homme devient de plus en plus radical dans ses vues, parce qu'il devient de plus en plus absolu dans son intelligence. Et l'homme ancien ne peut pas soutenir ça. Ça le frustre. Ça l'insulte. Mais comme l'homme conscient est intelligent, il ne crée pas cette frustration-là pour rien, à moins qu'il le fasse pour des raisons que lui seul connaît et qui font partie de son intelligence. Alors tout revient à l'intelligence. Parce qu'il vient un point quand tu rentres dans l'intelligence que tu ne peux plus vivre ta vie et être perdant. T'es toujours smart. Puis t'as pas de choix. Parce que tu as souffert la pénétration d'énergie. Fait que c'est plus parce que tu es intelligent au niveau de la personnalité, c'est que tu es dans l'intelligence. Et elle ne t'appartient pas, cette intelligence, elle coule. Elle fait vibrer tes corps. Dans le contact avec l'autre, s'il n'y a pas de changement, il y a séparation. Éventuellement, oui. On a pour toutes sortes de raisons caché à l'homme la réalité de la valeur de la vie, parce qu'on n'a pas voulu que l'homme sache la réalité de la valeur de l'incompréhension de la vie. Parce que l'incompréhension de la vie était nécessaire pour l'homme, parce que l'homme devait vivre l'incompréhension de la vie afin de satisfaire les appétits de l'âme qui servaient à l'occupation dans les mondes supérieurs des maisons où la mémoire de l'homme servait à faire fructifier les expériences de l'humanité pour le bénéfice de certains grands seigneurs. Et ces grands seigneurs-là s'échelonnent à tous les niveaux du cosmos invisible, de l'astral. Et ils sont dominés par un très grand seigneur qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer, dans son dominion, est tellement puissant qu'il est incapable d'être délogé par lui-même, et il est incapable d'être délogé par ceux qui sont dans les mondes, insensible. Il ne peut être délogé que par l'homme qui a conquis les sommets de l'ignorance. Si l'homme n'avait pas été donné de pouvoir savoir, il aurait été inutile au cosmos qui est en dehors de l'astral de continuer ses activités dans le super univers que nous habitons. Il y aurait eu une séparation, puis éventuellement, ce super-univers-là se serait disloqué complètement de l'autre. Ou des autres. L'homme doit revenir et protester. L'homme doit revenir et reconquérir ses droits. L'homme doit retenir en lui le pouvoir de la lumière qui lui passe à travers les doigts à cause de son manque de compréhension des lois de l'astral. L'homme doit devenir le support de la lumière sur les plans inférieurs. Et pour qu'il en soit ainsi, il est obligé de tourner complètement son dos à ce qu'il a déjà été, à ce qu'il a déjà conçu, à tout ce qu'il peut s'imaginer dans son esprit. L'imagination de l'homme doit être totalement détruite. Parce que l'imagination de l'homme, c'est le miroir occulte des forces luciférienne par le biais de l'astral qui domine l'homme dans ses émotions et ses pensées subjectives. Je vous donne une preuve flagrante. Si vous regardez ceux qui ont un écran mental dans votre tête, si vous regardez ce qu'on considère dans le monde chrétien comme un symbole positif, comme la croix du Christ, si vous la regardez dans l'écran mental et que vous suivez ce que je vous dis, vous allez voir que la croix du Christ, elle a une croix, comme ça. La pointe et le pied continuent dans le temps et ils se rencontrent à un certain moment. Et là où ils se rencontrent, il y a une tête de bouc. Et les bras horizontaux, le bras horizontal, s'étend dans le temps et où ils se rencontrent, il y a de la lumière. Alors dans la croix, astralement parlant, il y a les forces de domination sataniques et il y a à la fois l'espoir et la lumière. Alors, la croix du Christ, quand elle sera comprise dans son symbolisme occulte, perdra la partie supérieure verticale et il ne demeurera que la partie horizontale. Et tant que l'homme vit sur le plan matériel comme dans le monde astral de ce symbole-là, il est prisonnier à la fois de la lumière et des forces sataniques. C'est pour ça que la spiritualité est si puissante et c'est pour ça que la spiritualité maintient l'homme dans l'ignorance. Et que la seule force qui puisse détruire la spiritualité, c'est la puissance vibratoire de la lumière dans l'homme qui lui permet, au niveau de son intelligence, d'absorber le conflit qui est intégré astralement dans la croix du Christ, pour séparer le vertical de l'horizontal, parce que dans le cosmos, le vertical représente toujours la domination, et l'horizontal représente toujours la diffusion des pouvoirs. Il y a là où il y a verticalité dans le cosmos, il y a temporalité, et là où il y a horizontalité dans le cosmos, il y a les étapes spatiales libres de tout engendrement d'esprit négatif dans la conscience humaine. C'est pour ça que les extraterrestres, quand ils viennent sur la Terre, et qu'ils professent devant l'œil aveugle de l'homme leur position vis-à-vis l'ordre universel, ils ont deux positions, verticale ou comme ça. Si jamais vous voyez une soucoupe volante de même, c'est automatiquement des forces sur la Terre de Terre. Si elle est comme ça, ce sont des forces positives qui sont liées à l'évolution de l'homme. Un OVNI ne se présentera jamais comme ça si elle doit aider l'homme. Elle se présentera comme ça. Parce que dans les lois de l'intelligence, il y a les lois de l'ordre. Et les lois de l'ordre font partie de l'intelligence. Et les lois de l'ordre sont instantanées. Et les lois de l'ordre ne sont jamais troublées parce que l'intelligence est instantanée. Et l'intelligence étant instantanée, il est impossible à ceux qui sont dans l'intelligence de troubler les lois de l'ordre. Et les lois de l'ordre sont infiniment progressives, de sorte que toute intelligence qui appartient à ces lois-là sont obligées de réfléchir dans leur action, dans leur activité. Même si ce sont de hautes activités éthériques, la progression de cette loi a automatiquement les ovnis qui viennent ou qui viendront dans le grand moment de l'homme, devront se présenter comme ça. Jamais de même. Et si on rattache le mouvement horizontal, le mouvement vertical de la croix du Christ, qui est un symbole extrêmement primitif, permettant à l'homme de se rallier émotivement à une domination qu'il veut bien subir parce qu'il a l'espoir de la résurrection en lui, on est obligé de conscientiser l'effort suprême du mental supérieur pour voir parfaitement le désordre, là où la croix rencontre, où le vertical rencontre le bras horizontal. Puis quelqu'un qui a la vision, qui regarde le point où la croix verticale et la croix horizontale se rencontrent, s'aperçoit qu'il y a un vide énorme. Et si on rentre dans ce vide-là, on s'aperçoit qu'on est... on est aspiré. Et ceux qui peuvent vivre cette aspiration sans être décrochés dans leur corps peuvent comprendre le mystère de l'infinité et comprendre à la fois les lois sataniques comme les lois de lumière, sans jamais être troublés par l'une et jamais être affaiblis dans la puissance de l'autre. Alors, les symboles qu'on retrouve sur la Terre sont amplifiés dans l'invisible, mais les symboles que l'on retrouve sur la Terre ont déjà été imposés à l'homme à partir de l'invisible. Alors, la croix matérielle du Christ, c'est simplement la configuration matérielle de ce qui était donné à l'homme sur les autres plans pour le prédisposer émotivement à aimer la croix. Et les occultistes, ceux qui font de la magie noire, ont pris la croix parce que, étant incertains de la véritable façon d'engendrer dans leur mental une certaine énergie, au lieu de prendre la croix et de la briser, ils l'ont renversée de bord. Mais en la renversant de bord, ils ne changent rien, elle est encore verticale. Comme le Christ. On a fait beaucoup de choses concernant le Christ. On a parlé beaucoup du Christ. On a institutionnalisé le Christ. On a réfléchi sur le Christ. On l'a imité virtuellement. On l'a idéalisé. On a fait de lui une empreinte dans notre esprit pour se donner de l'espoir. Mais l'homme qui se conscientise, l'homme qui rentre dans la conscience supramentale et qui connaît la valeur réelle de l'initié, ne s'occupe plus de la valeur personnifiante de l'initié. S'occupe simplement de comprendre la valeur réelle de ce qui était impliqué au niveau de sa perfection. Parce que le Christ est un être parfait. La fusion. Mais c'est dans la fusion de l'homme que l'homme comprendra la valeur réelle du Christ. Et lorsque l'homme comprendra la valeur réelle du Christ, l'homme ne sera plus attaché au Christ. Et lorsque l'homme ne sera plus attaché au Christ, il détruira automatiquement la valeur verticale de la croix et automatiquement sera prêt à assumer le lourd fardeau de la partie horizontale, qui est la connaissance parfaite du principe de l'amour dans l'état. Tu aurais déjà expliqué différemment quand on dit ce qui est en haut est en bas, on devrait dire ce qui est à gauche est à droite, ce qui est à droite est à gauche. Je suis sur un autre track. Faut que je continue à track. Moi, j'aime pas, souvent, je dis, j'aime pas le symbolisme, puis beaucoup de mon travail sert à détruire les formes du symbolisme. Mais dans le fond, j'aime beaucoup ça, le symbolisme. Non pas parce qu'il est important, mais parce qu'il cache des affaires. Le problème avec les gens, c'est que les gens s'attachent au symbolisme, à la forme, et ne comprennent pas ce que veut dire la forme. Le symbolisme, c'est l'intelligence subtilisée. Le symbolisme, c'est l'intelligence subtilisée. Un qui comprend beaucoup la nature du symbolisme et qui a tendance à extrapoler énormément sur le symbolisme, c'est Ménard. Ménard, qui s'appelle? Ménard. Et son intelligence du symbolisme est très grande et probablement une des plus grandes que je connaisse à date, dans la province de Québec ou à l'extérieur. Mais Ménard ne le sait pas, ça, parce que Ménard ne s'est jamais mesuré dans son intelligence avec un homme. Mais je sais très bien que l'intelligence de Ménard est suffisamment puissante pour désintégrer toute forme de symbole et engendrer automatiquement l'énergie de ce symbole-là. C'est pour ça que Ménard, dans son expertise ou dans son expérience profonde, qui fait partie de son évolution, a été à la fois pris dans des aspects de la magie noire comme dans des aspects de la magie blanche, parce qu'il n'avait pas réussi encore à être parfaitement satisfait de ce qu'il savait. Et n'étant pas parfaitement satisfait de ce qu'il savait, il ne pouvait pas satisfaire parfaitement ce qu'il savait. Et quand on ne peut pas satisfaire parfaitement ce qu'on sait, on ne peut pas exécuter parfaitement ce qu'on a à exécuter. Et automatiquement, on a tendance à aller à gauche ou à droite suivant les dispositions caractérielles qu'on a vis-à-vis des autres. L'intégration du symbolisme et la conception du symbolisme dans l'homme est bonne et grande et importante si l'homme est capable de désosser la viande au lieu de la manger tout rond. C'est dans le dialogue. C'est dans le dialogue qu'on réalise, mais c'est dans le dialogue progressif qu'on réalise aussi l'obstacle. Et c'est là qu'on se renforce. Pour moi, c'est facile de, devant les hommes, de puiser constamment dans l'intelligence à cause de la fusion. Mais pour les hommes qui ne sont pas en fusion et qui sentent l'intelligence, ça leur prend énormément d'expérience, de contact avec les autres hommes pour éventuellement solidifier cette conscience-là et amener leur intelligence à une plus grande sensibilité et aussi à leur permettre de corriger les défauts de l'intelligence qui sont le résultat de l'émotivité et de l'intellect. Parce qu'une fois qu'un homme a corrigé les défauts de son intelligence, il n'est plus capable d'être atteint dans son intelligence. Et il y en a qui se rentrent là-dedans. Mais le contact avec les hommes est important. Mais c'est toujours quand tu parles. C'est toujours quand tu parles que tu sais. Quand tu parles que tu sais. À partir de l'expérience. Tu sais pareil quand tu parles pas, c'est que tu voudrais voir. Ouais. Tu sais pareil quand tu parles pas, sauf si c'est de toi, seulement que tu n'as pas l'impression de savoir, puis si tu n'as pas l'impression de savoir, tu n'as pas la faculté de savoir que tu sais. Si tu n'as pas la faculté de savoir que tu sais, tu ne peux pas retrancher de ton écran mental les aspects qui violent la loi de la lumière, et ces aspects-là sont les formes qui s'assoient sur ton émotion. Donc, automatiquement, si moindrement la tempête est forte, tu as tendance à branler dans tes bottes. Dans tes jambes. Je sais certainement que d'ici à ce que je finisse mon travail, je sais certainement que je vais m'organiser pour parler suffisamment à un certain nombre d'entre vous autres pour m'assurer que quand je laisserai, vous serez en mesure de parler parfaitement de ce que vous savez. Même si c'est à votre insu. Parce que j'ai une façon de parler avec vous autres pour vous faire sortir les vailles de nez. C'est comme ça que je mesure ce que vous êtes. Même si vous ne le réalisez pas tout de suite, que vous le sentez. À un certain moment, il y en a parmi vous autres qui vont être obligés de savoir ce qu'ils sont pour pouvoir déterminer ce qu'ils peuvent faire dans un avenir plus ou moins rapproché. Parce que le socle de la conscience expérimentale de l'humanité doit être totalement brisé. Et il sera brisé dans la province grecque. Pas nécessairement par moi-même. Mais par d'autres qui viendront après. Mais la conscience expérimentale de l'humanité, parce que l'humanité vit une conscience expérimentale, qui est dirigée de très hauts lieux, et cette conscience expérimentale-là doit être éventuellement terminée, elle doit être transmutée, elle doit être finalisée, elle doit être totalement amenée à la science du réel. Puis ça va être fait, ça sera fait. C'est pour ça ça que dans une multitude, il y en aura un certain nombre qui serviront de pilier à cette nouvelle conscience humaine, qui ne sera plus une conscience expérimentale, parce que la conscience expérimentale fait partie du lien entre l'homme et l'âme. Lorsque l'âme sera détruite dans un certain nombre d'individus, elle ne pourra jamais ressurgir chez l'homme, telle qu'elle était avant.